Jean et Jeanne prennent rendez-vous par téléphone. Alors, où? N'importe où. Et quand? N'importe quand. Est-ce que je peux amener quelqu'un? Oui, oui, ça m'est égal. Qui? N'importe qui. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui, si tu veux. Quoi? Non, ne réponds pas. Je sais ce que tu vas dire. Quoi? Tu vas me dire d'apporter du chocolat.